Osmose Radio. Osmose. La web radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres. Sur Osmose Radio. Bonsoir à tous mes petits loups, oui, le moment est venu de retrouver votre sélection musicale rock et new wave avec Stéphane. Soyez les bienvenus sur Osmose Radio, vous êtes bien dans l'heure du loup. Et ce soir ce sera une émission encore plus sombre qu'à l'accoutumée puisque la sélection musicale fera la part belle au rock gothique, un style musical qui sera particulièrement à l'honneur dans la playlist ce soir. Et pour ouvrir le bal, j'ai envie de dire c'était un des groupes gothiques français, sinon le meilleur groupe gothique français, c'était Rosa Croux avec un de leurs titres des années 80, c'était Aglone à l'instant. Et pour continuer, on va passer la Manche, on va aller dans le pays d'origine de ce style musical, la Grande-Bretagne, avec Skeletal Family et le titre Promised Land. Que Little Family avec le titre Promised Land, la terre promise. Ben, à l'instant, la terre promise, c'était la moquette de ta chambre, camarade auditeur, hein, sur laquelle tu gambattais d'un pied alerte et le cœur vaillant. Ne cherche pas à le dissimuler, j'en suis sûr, je l'ai deviné. Tu étais en train de danser à l'écoute de ce morceau et tu avais bien raison, puisqu'effectivement, ce titre, c'est une vraie bombe à dance floor. Promised Land, Que Little Family, un classique de la scène du rock gothique qui sera plus particulièrement à l'honneur dans la playlist ce soir. Alors, pourquoi ? Bah, tout simplement parce que hier, vous êtes peut-être passé à côté, auquel cas c'est vraiment pas grave, mais hier, lundi 22 mai, c'était le World Goth Day, la journée mondiale des gothiques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, rassurez-vous, hein, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un événement tout à fait marginal, mais qui depuis quelques années, depuis 2009 en fait, l'année de la première, fait office en fait de journée, une de ces journées à la con encore, hein, qu'on fait, hein, comme le Téléthon, comme le 1er mai, comme le jour des élections, etc., comme le 1er janvier ou encore, bref, une de ces journées à la con qui ponctue le calendrier. Et qu'on célèbre ou pas. Et là, en l'occurrence, ben, c'était une journée, le 22 mai, qui avait pris son origine en fait dans un événement qui avait été organisé en Angleterre, hein, par deux DJ en association avec la BBC, la radio publique britannique. Et bien, ils avaient organisé comme ça une petite rétrospective sur la scène du rock gothique des 40 dernières années quasiment. Et du coup, en fait, l'événement s'est pérennisé. Ils avaient organisé ça un 22 mai, un peu par hasard, pour des raisons pratiques. Ils se sont dit qu'ils allaient le faire chaque année, et depuis, bah, chaque année, ça a pris de l'ampleur. Et il y a des soirées d'organiser, des expositions, des émissions spéciales, et puis beaucoup aussi de délire sur internet, si le cœur vous en dit. Si vous voulez en savoir plus, je vous en posterai quelques-uns sur le Facebook de l'Heure du Loup, bien entendu. Donc voilà, le World Goth Day, c'est chaque année le 22 mai, et je me suis dit que, bah, puisque mon émission tombait le lendemain, le 23, bah, c'était l'occasion justement de faire un petit zoom, une petite rétrospective de ce style musical que j'aime bien et que je vous passe de temps en temps dans l'émission. Et ce soir, bah, je m'y consacre un petit peu plus pleinement. Et une des grandes dames, une diva de cette scène musicale, évidemment, c'est celle que certains appellent la Godmother, en dérision par rapport au Godfather, le fameux film de Francis Ford Coppola. La Godmother, c'est Siouxsie Siou, qui est en fait la sœur jumelle, si on veut, de Robert Smith, le chanteur de The Cure. Ils partagent à peu près la même coupe de cheveux, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc cette dame-là est la diva de la scène gothique et qui avait notamment chanté dès les débuts, dès la fin des années 70 avec le groupe The Banshee. On va écouter un de leurs titres emblématiques tout de suite, Hong Kong Garden. Bye. Romeo's Distress. À l'instant, c'était la voix de Rose Williams au sein du groupe Christian Death, un groupe américain, un groupe de Californie, avec un extrait de leur album le plus connu sans doute, Catastrophe Ballet. Voilà, et si les Américains n'ont pas vraiment été précurseurs en termes de rock gothique, ils ont quand même payé leur obol et produit quelques bons groupes comme celui-ci, Christian Death, dans lequel officiait la personnalité charismatique de Rose Williams, qui, en fait, ce pauvre garçon s'est suicidé en 1998, je crois. Vous verrez, hein, souvent, les chanteurs se suicident souvent sur la scène du rock gothique. Vous me direz, c'est assez raccord. Alors, ouais, et juste avant ça, c'était Susie, une Britannique, elle, Susie and the Banshees, avec le titre Hong Kong Garden. Et ouais, je disais, les Américains n'ont pas été précurseurs, et c'est vrai que c'est pas un hasard si ce World God Day, dont je vais vous parler tout à l'heure, a été créé tout d'abord en Grande-Bretagne, puisque c'est vraiment la patrie d'origine de ce style musical, pour des tas de raisons sur lesquelles je vais pas revenir, mais c'est vraiment le pays qui a donné le ton. Et pour autant, mais il y a quand même pas mal de bons groupes dans d'autres pays. Alors là, on en a eu un exemple avec Christian Death, qui se trouve aussi être à son corps défendant, mais en attendant c'est comme ça, être aussi un groupe emblématique de la petite confusion qu'on fait parfois entre rock gothique et metal et hard rock. Mais en même temps, on a tous fait cette confusion, parce que c'est aussi l'image que les médias nous renvoient, à savoir que ouais, le gothique c'est un truc de sataniste et tout, ils font des messes noires dans les caves en buvant du champomis et en crucifiant des hamsters. Enfin bref, les médias nous renvoient souvent cette image un peu niaise, un peu grotesque, du gothique pour les gamins qui font leur crise d'adolescence et qui cachent leur pustule sous du fond de teint blafard. Et en fait, c'est quand le gothique vaut quand même un peu mieux que ces préjugés mesquins véhiculés par les médias, bah parce que ça fait peur aux bourgeois et que ça fait vendre et que ça fait de l'audience, bien entendu. Et alors, on va pas remonter jusqu'à Mathusalem, mais c'est vrai que cette forme de romantisme noir et de mélancolie, etc., a connu ses heures de gloire au niveau artistique, notamment au 19e siècle, avec tous les romantiques et tout, le roman victorien, des auteurs comme Goethe, Maupassant, Sheridan Le Fanu, et bien entendu Bram Stoker, le fameux auteur de Dracula. Plus récemment, le rock gothique, en fait, c'est un style musical qui puise ses racines dans l'explosion musicale de la seconde moitié des années 70. À partir de 76, ça a été le punk, et justement, ben, c'est dans le sillage du punk que le rock gothique s'est constitué. Et alors que le metal, lui, a des racines plus anciennes qui viennent du rock des années 60 et d'expérimentations musicales de Jimi Hendrix ou de Black Sabbath surtout. Et donc, c'est de là que vient ce côté un petit peu rituel des prestations scéniques, ce côté un peu hiératique aussi des pochettes d'albums et tout. Tout ça, ça vient plutôt du métal. Mais à partir des années 90, il y a eu un peu une confusion entre ces deux styles musicaux-là, dont les membres d'ailleurs souvent ne s'aiment pas beaucoup. Hein. Les métalleux considèrent les gothiques comme des tapettes et les gothiques considèrent les métalleux comme des brutes toujours avinées et sans cervelle. Mais bon, à partir des années 90, il y a quand même eu des groupes qui ont eu assez de génie pour faire une passerelle entre ces deux styles musicaux-là. Mais dans les années 80, les deux courants musicaux, gothique et métal, étaient vraiment hermétiques. Voilà pour l'anecdote. Et donc, pour en revenir à notre sujet, ben Christian Death, au début, était un groupe de rock gothique. Puis après la mort de Rose Williams, le groupe a connu quelques déconvenues. Et puis avec l'influence de son guitariste, notamment Vailor, il est allé vers quelque chose de plus métal et de plus bourrin dans le son. Alors c'est toujours bien, c'est pas la question, mais c'est plus à proprement parler ce qu'on avait connu. Voilà. Et écoutez, dans cette période dorée, en fait, dans cet âge d'or du rock gothique qui correspond à la première moitié des années 80, il y a eu énormément de bons groupes, disais-je, et pas seulement en Angleterre. J'en veux pour preuve celui que je vous ramène ce soir, un groupe allemand. Dont le nom lui-même laisse entendre, donne un petit peu la couleur, c'est X-Mile Deutschland, dont je vous propose d'écouter un de mes titres préférés, en fait. X-Mile Deutschland avec on va jeter un coup d'œil sur cette playlist avec le titre Augenblick. We'll be right back. Sisters of Mercy avec le titre This Corrosion. Et c'est enchaîné juste avant avec X-Mile Deutschland et le titre Augenblick. Voilà, chers amis, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Vous êtes bien avec Stéphane dans l'heure du loup sur Osmose Radio. Et ce soir, c'est une sélection musicale plus particulièrement consacrée au rock gothique. En même temps, je me suis pas foulé, c'est facile avec ce style musical de faire une bonne playlist. Comme vous venez d'en avoir un aperçu à l'instant avec ce titre particulièrement dansant, The Sisters of Mercy, un groupe qui avait tiré son nom de cette chanson de Leonard Cohen, et le titre This Corrosion, qui là aussi convient bien au dance floor ou à défaut la moquette de votre chambre si vous nous y écoutez, chers amis. Voilà. Là on écoutait la voix à l'instant d'Andrew Eldritch, et on va passer à un autre garçon qui lui aussi avait une belle voix grave et avait marqué le groupe dans lequel il avait chanté. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on se suicide beaucoup chez les gothiques. C'était Ian Curtis qui s'était suicidé en 1980, un mois de mai aussi d'ailleurs, tiens, donc ça fera un petit peu plus de 37 ans bientôt. Et Joy Division, dans lequel qu'il avait quasiment incarné, a été vraiment un groupe charnière de ce style musical là quand bien même il n'en fait pas tout à fait partie, parce qu'ils n'étaient pas habillés, ils se maquillaient pas, etc. Ils s'habillaient normalement, entre guillemets, les membres du groupe. Et c'est pas par leur exubérance vestimentaire qu'ils ont marqué le mouvement, mais c'est vraiment par ce son neuf et tout à fait singulier qui est apparu avec eux, en fait, puisqu'ils reprenaient l'énergie du punk, des Sex Pistols notamment, mais en y ajoutant quelque chose de beaucoup plus mesuré et mélancolique. Et ça a donné ce qu'on a appelé le post-punk, en fait, avec Joy Division qui l'a incarné. Et puis quand Ian Curtis s'est suicidé, Robert Sumner et ses comparses ont créé le groupe New Order à partir de 1980 et qui a eu une belle carrière. Et Joy Division a fait deux albums, et notamment un album vraiment magnifique qui s'appelle Unknown Pleasures, et dont je vous propose d'écouter un extrait tout de suite, un extrait de ce groupe qui nous venait d'ailleurs de Manchester, qui a tristement fait l'actualité ces derniers temps par rapport à l'attentat qui a eu lieu cette nuit, malheureusement. Et donc cette ville post-industrielle a créé un style, le post-punk, a vu l'éclosion d'un style, le post-punk, dont je vous propose de vous faire une idée tout de suite avec le titre Shadowplay. Yeah. on sent que j'aime ce morceau Shadowplay par Joy Division avec la voix reconnaissable entre toutes de Ian Curtis qui s'est suicidé peu après la sortie de cet album justement. Faut croire que ça aurait été un petit peu son chant du cygne. Voilà chers amis, depuis le début de l'émission je vous parle de rock gothique, mais de quoi s'agit-il exactement? Et puis d'abord ça vient d'où ce terme? Gothique ça nous renvoie au Moyen-Âge bien entendu, et peut-être qu'on pourrait y retrouver la solennité et la sobriété, les côtés monochromes aussi de l'imaginaire qui nous vient des périodes médiévales. Pourtant, c'est pas forcément le cas, puisque le terme rock gothique est apparu un petit peu par hasard par la fantaisie d'un journaliste qui parlait de la musique d'un groupe britannique, le groupe qui a inventé le rock gothique, mais sans le faire exprès, puisque c'est le chanteur Peter Murphy qui était interviewé par un journaliste et qui racontait justement que lui, avec son groupe Bauhaus, il se produisait dans les clubs de Londres et il faisait un peu dans leur musique une synthèse entre les influences du glam rock des années 70, je pense notamment à David Bowie, et aussi le côté sombre, avec une certaine sobriété qui venait du post-punk et de Joy Division, par exemple, qu'on vient d'écouter à l'instant. Il faisait un petit peu une synthèse de ces deux côtés musicaux, de ces deux univers musicaux a priori antinomiques, hein, les paillettes d'un côté et les vêtements noirs de l'autre. Et puis Peter Murphy aussi mettait des barésies sur scène, il se maquillait, etc. Tout ça, c'était relativement novateur encore pour l'époque. Et finalement, bah, quand les gens le voyaient et écoutaient le groupe dans lequel il officiait à l'époque, Bauhaus, eh bien, un journaliste un jour a parlé de rock gothique et puis l'expression est restée, ce qui faisait dire à Peter Murphy que finalement, ben, lui et son groupe avaient créé le rock gothique sans faire exprès. Voilà, comme quoi, hein, à quoi ça tient. Et bah écoutez, puisque je vous parle de Bauhaus, là c'est encore, c'est un, comme son nom ne l'indique pas, puisque à la base le Bauhaus c'est un courant artistique allemand des années 1920. Et bien Bauhaus justement s'inspire des années 1920, et pas seulement pour le nom du groupe, mais aussi pour un de ses thèmes de prédilection, à savoir bah, les personnages de vampires, hein, qu'on connaît tous, Nosferatu. Qui a été produit dans les années 1920, hein, ce fameux film de vampire. Mais là, c'est de Bela Lugosi dont on va parler, un autre acteur qui a incarné Dracula, un personnage emblématique pour tous les gothiques de par le monde, parce qu'il incarne l'amour, la mort et tout ce qui tourne autour. Et Dracula, ben, qui était incarné à l'écran par Bela Lugosi dans les vieux films des années 1920, des années 1930 à Hollywood, et justement qui a fait l'objet d'un morceau de Bauhaus qu'on va écouter tout de suite. C'était un des morceaux de leur début de carrière, dans lequel on pouvait retrouver des influences tout à fait insolites, comme cette ligne de batterie qui fait penser aussi au dub jamaïcain. Et Londres était un melting pot d'influences diverses et variées à l'époque, et tout ça a fait une synthèse assez géniale avec Bauhaus. C'est le titre qu'on va écouter tout de suite, Bela Lugosi's Death.

Bela Lugosi est mort. Dracula n'en finit pas d'être mort vivant et moi-même je ne me sens pas très bien. Voilà, dirais-je, pour parodier ou plagier plutôt Woody Allen. À l'instant, on écoutait Bauhaus avec le titre Bela Lugosi is Dead, un titre classique de la scène goth qu'on écoutait un petit peu ce soir et à laquelle on faisait la part belle, hein, la scène du rock gothique qui a été inventée sans faire exprès, par accident, peu ou prou, par Peter Murphy et le groupe Bauhaus au début des années 1980. Voilà, chers amis. Une playlist un petit peu plus sombre qu'à l'accoutumée, j'espère que vous aura plu quand même. Pour conclure très rapidement, eh bien, n'oubliez pas demain au passage du Zinc, vous avez un concert gratuit, d'autant qui plus est, un concert du groupe Synopsis, un groupe de métal expérimental vraiment intéressant. Donc je vous invite à aller voir ça demain mercredi soir. Et pour conclure, on va se quitter avec quelque chose de pas si décalé que ça pour une fois, puisque c'est le groupe qui a mis le pied à l'étrier à beaucoup de futurs gothiques, j'ai envie de dire. Un groupe qui s'inscrit dans cette mouvance musicale-là, peut-être à son corps défendant, mais en attendant, il l'incarne avec beaucoup de talent. C'est le duo de Lisa Gerrard et Brendan Perry. Je pense notamment à Dead Can Dance, bien entendu. Et on va se quitter avec un de leurs morceaux les plus connus, mais ça tombe bien, c'est aussi un des plus jolis. Tout de suite, le titre In Power We Untrust The Love Advocated. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Gros bisous, à bientôt. Salut les Bats.